Pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors ? Alors calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. De partout, m'assaille et tente de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait, une seule réponse à fournir, et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme ? Que veut l'homme noir ? Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur ? Je dirais que le noir n'est pas un homme. Bonjour Marilyn Maezo. Bonjour Adèle Blindrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes prof de philo dans le secondaire. Vous avez passé 4 ans de votre vie avec Frantz Fanon, c'est ça ? Oui, pour ma thèse. Pour un moment, voilà, vous rédigiez votre thèse et je suis heureuse de vous recevoir ce matin pour parler de ce texte magnifique, Peau noire, masque blanc. J'ai lu quelques phrases qu'on trouve dans l'introduction à cet ouvrage, phrases de Frantz Fanon lui-même. Que veut-il dire lorsqu'il affirme donc dès l'introduction que le noir n'existe pas ? Alors, il a conscience que c'est une formule qui va faire polémique, mais en même temps c'est une formule qui décrit exactement ce qu'il essaie de démontrer dans son livre, à savoir que le noir ne peut pas être un homme parce que, via la colonisation, l'humanité du noir a été niée. Donc le noir n'a pas la possibilité d'être simplement un homme, il ne peut être qu'un homme noir, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, on le ramènera systématiquement à la couleur de sa peau. Mmh. Alors ça veut dire que le noir existe ? Oui, le noir existe, pas au sens où il serait noir naturellement et de toute éternité, mais parce qu'on l'a fabriqué de la même manière que les races n'existent pas sur un plan biologique, mais qu'elles existent en tant que création sociale. Et si on lit ce livre Peau noire, masque blanc jusqu'au bout, ce que j'invite à faire d'ailleurs, hein, je ne sais pas si parmi nos auditeurs, certains l'ont lu, c'est une expérience de lecture assez incroyable d'ailleurs, on peut commencer par ça, j'ai lu quelques phrases de l'introduction qui donnent le ton, on suit Fanon au fil de la plume, on a l'impression qu'il écrit sur le vif, qu'il dicte presque oralement un livre qui est en train de s'écrire, et on voit à mesure que les pages défilent que sur cette question justement de l'homme noir, ressort une sorte à la fois de radicalité et aussi d'ambivalence. En le lisant, je me demandais, mais finalement, il dit que le noir n'existe pas, mais il revendique quand même le mot noir à certains moments. Il est difficile d'établir sa position. Parce que sa position n'est pas clairement établie. C'est aussi pour ça que le livre semble plus en travail que travailler véritablement. Lui-même le dit clairement, il dit je ne revendique pas une méthode parce que la méthode, ça implique un chemin clair et tout tracé, là où moi-même je suis en errance en fait. Je tâtonne et j'essaye de trouver les mots pour exprimer une expérience qui est subjective. C'est un autre point qui peut surprendre. Peau noire, masque blanc n'est pas un livre théorique. Parce que, Fanon l'a dit lui-même, je n'ai revendiqué aucune objectivité, parce que je parle d'une expérience qui est subjective, et ça n'est pas simplement que j'ai choisi de ne pas adopter une position objective, c'est que c'était impossible, parce que je suis de fait juge et partie. Je parle de ce que ça fait d'être noir dans un monde fait par et pour les blancs, et je parle de cela en tant qu'homme noir. Donc c'est une position qui peut être compliquée, parce que justement, on peut l'accuser d'être trop biaisé pour rendre compte de la réalité. Et ce qu'il dit justement, c'est que au contraire, puisque lui ne cherche pas à avoir un point de vue d'historien sur, par exemple, je ne sais pas, l'esclavage ou la réalité de la colonisation dans tel ou tel pays, lui, ce qu'il veut d'écrire, c'est l'expérience subjective. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à théoriser, généraliser quelque chose qui pourrait être décrit de manière objective. Il essaye de rendre universel ou de rendre universellement compréhensible quelque chose qui est infiniment individuel. Et c'est ce qui fait tout l'enjeu et la difficulté de ce texte. Oui, c'est ça, parce que selon le point de vue où l'on se place, on est soit uniquement du point de vue subjectif, donc probablement impartageable, ou bien du point de vue universel, et dans ce cas, est-ce qu'on ne perd pas la subjectivité ? C'est quoi ? C'est un mouvement dialectique finalement ? Est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que les deux s'allient ? Ça n'est pas du tout une contradiction, c'est totalement cohérent au sens où Fanon est convaincu, et il le dit dès les premières pages, hein. Il dit que, je le cite, « nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme inhérent à la condition humaine ». Ce qui veut dire que il décrit une condition spécifique qui est la condition de l'homme noir dans un système colonialiste, mais sans perdre de vue le fait qu'il est un être humain. Et que le problème qui occupe ce texte, c'est de savoir comment on fait pour revendiquer et surtout faire reconnaître à l'autre, à savoir à l'homme blanc, son humanité dans un système qui la nie. Donc il n'y a aucune incohérence au sens où d'un côté, il y a la dimension subjective de moi en tant qu'homme noir, je parle de quelque chose, mais qui va parler aussi à l'ensemble des hommes noirs et à l'ensemble de l'humanité. Parce que ça, c'est un point sur lequel il insiste. On n'a pas besoin d'avoir vécu une expérience pour pouvoir la comprendre. Sinon, Peau Noire, Masque Blanc ne s'adresserait qu'à un tout petit groupe. Et d'un autre côté, il parle en permanence dans le texte, ça reste comme un fil d'Ariane, de l'homme en général, de l'universalisme, de l'humanité, sans distinguer blanc et noir. Donc, si vous voulez, ce sont deux éléments qui sont absolument indissociables. Mais ça, c'est très important de dire que on n'est pas obligé d'avoir vécu une expérience pour pouvoir en parler, parce que c'est l'argument numéro un aujourd'hui brandi dans les débats justement de ceux qui revendiquent un certain rapport justement au fait d'être racisé ou pas, de dire mais vous n'avez pas notre expérience, vous ne pouvez pas parler. On l'entend aussi de la part de personnes qui ont vécu certaines expériences, qui se positionnent comme victimes en disant mais ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas parler. Et c'est un argument qu'on entend. Oui, alors je pense que j'aimerais lui faire deux réponses. La première, je la laisse à Fanon puisqu'il l'a dit et je le cite en toutes lettres. Je crois sincèrement qu'une expérience subjective peut être comprise par autrui, et il ne me plaît nullement de venir en disant le problème noir est mon problème, moi seul, puis de me mettre à l'étudier. Ce que ça veut dire, c'est que on peut considérer, et c'est le cas, que le racisme est une maladie qui s'abat sur certains individus, mais pas sur d'autres. Mais en revanche, c'est l'affaire de tous, parce que c'est un mal social, et que c'est même tout le sens de Peau Noire et Masque Blanc. Il ne peut pas toucher uniquement le colonisé. Ce que le point sur lequel Fanon insiste dans le livre, c'est qu'il y a une névrose de l'homme noir qui, parce qu'on a nié son humanité en raison de sa couleur de peau, se retrouve à essayer d'imiter le blanc pour récupérer un semblant d'humanité. Ça, c'est le noir antillais surtout. Voilà, le noir antillais, il l'explique bien, c'est un des points aussi, hein. Il est très précis sur le public dont il parle et les limites de son analyse. Mais ce qu'il dit, c'est que, d'un côté, le noir va essayer d'imiter le blanc, c'est ce que vous disiez d'un côté. Le noir va essayer d'imiter le blanc pour essayer de retrouver un semblant d'humanité. Et à côté de ça, ce qui se passe, c'est que le blanc lui-même subit une névrose. Il y a une double névrose. Pour reprendre les termes de Fanon, Fanon parle d'un double narcissisme. Ça, pour le dire autrement, en reprenant à nouveau ces termes, il dit que le noir est enfermé dans sa noirceur et le blanc est enfermé dans sa blancheur. Donc il n'y a pas, si vous voulez, une symétrie, bien sûr, des vécus, évidemment. Subir un racisme et soit ne pas le subir, soit l'imposer, c'est pas du tout la même chose. En revanche, il y a une symétrie de la maladie parce que le racisme est une maladie qui concerne l'ensemble de la population. Mais alors, pour être tout à fait précis, comme le chapitre 5 de Peau Noire, Masque Blanc s'appelle « L'expérience vécue du noir », oui. Est-il concevable qu'une personne qui n'est pas noire puisse venir parler de ce chapitre, justement? Et je vous pose la question parce que parmi les personnes qu'on a invitées cette semaine pour venir parler de Fanon, certaines nous ont dit « mais non, c'est bizarre, n'étant pas racisée, je ne peux pas venir parler de Fanon ». Quelle est votre position par rapport à ça et quelle serait, si on peut la déduire, à travers les textes de Fanon, celle de Fanon lui-même? Je me suis posé la question, comme tout le monde, je pense, et c'est justement, entre autres, mais en particulier, en lisant Fanon, que j'ai eu ma réponse, à savoir que Fanon lui-même explique que la condition de possibilité pour que le rétablissement d'une humanité commune c'est justement que la compréhension ne passe pas par l'identité des vécus. C'est que on n'est pas besoin de vivre quelque chose pour le comprendre et même pour compatir, si vous voulez. Sinon, ça sera un livre qui aura un public réservé, ce sera un livre en non-mixité, si vous voulez, pour le public. Or, tout ce qu'il décrit dans le livre va à l'encontre de ça, premièrement, comme je l'ai dit, parce que la névrose dont il parle, c'est à la fois celle de la personne noire, c'est aussi celle de la personne blanche. Donc si la personne blanche, si vous voulez, ne vient pas parler de ça, ben, c'est comme si finalement elle considère que c'est pas vraiment son problème, qu'elle n'est pas concernée. Mmh. Et deuxièmement, une réponse plus personnelle, j'ai été particulièrement touchée par ce livre de Fanon, parce que à un moment donné, il rappelle une phrase qu'a eue son professeur, qui est très connue, mais on ne cite généralement pas la suite, qui dit « Si vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous ». Et Fanon explique, au départ, j'ai cru que c'était une position universaliste un peu abstraite en disant nous sommes tous des hommes, etc. Une sorte de vision un peu colorblind, comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas de race, le racisme n'est pas vraiment un problème. Et en fait, Fanon expliquait ensuite, non, en l'écoutant, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que un antisémite est forcément négrophobe. Comment ça ? Au sens où, si vous voulez, il n'y a pas de... Enfin, ce qui pousse un être humain à nier l'humanité des Juifs est exactement le même logiciel qui pousse un être humain à nier l'humanité du Noir. Malgré les différences dans la vision de l'un et de l'autre, hein, que Fanon décrit, il explique que le Juif, on lui reproche de posséder, d'être puissant, d'avoir le contrôle de la finance et des médias et de la politique, du gouvernement, là où le Noir, on lui reproche son infériorité. Il en a conscience. En revanche, dans les deux cas, selon le même logiciel, on nie leur humanité. On essaie de les exclure d'humanité. Et moi, ce qui m'a touchée là-dedans, c'était justement cette réaction que j'avais eue lorsqu'il y avait une marche blanche suite à je crois que c'était au meurtre de Mireille Knoll que ça avait eu lieu, où on parlait, et c'était pas la première fois, des condoléances qu'on apportait à la communauté juive de France. Et ce réflexe, quand on a un citoyen, une citoyenne française qui meurt, de dire toutes nos condoléances à la communauté juive en priorité, comme si finalement c'était quelque chose qui ne touchait que les juifs parce que la personne était juive, c'est quelque chose qui me paraissait complètement absurde. Oui, mais parce que c'était un crime qui avait été perpétué au nom de son judaïsme. Oui, mais c'est pas parce que le crime a été perpétré, à mon sens, ouais. C'est pas parce que le crime a été perpétré au nom de son judaïsme que ça veut dire que seule la communauté juive doit être endeuillée. Moi, quand une personne qui est d'origine maghrébine ou une personne qui a la peau noire se fait assassiner, je me sens pas moins concernée parce que je suis blanche. Et ça me rappelle cette blague qu'on fait souvent et qui est extrêmement cynique, mais qui en même temps parle de ça, qui consiste à dire « Papa, pourquoi lorsqu'il y a une annonce d'attentat ou d'accident d'avion à la télévision, on précise le nombre de Français ?» Et son papa lui répond « C'est pour savoir s'il faut s'en foutre ou pas. Ouais. » Et ça me parle beaucoup, et ça fait écho à ma lecture de Fanon, à savoir que le risque, quand on part du principe que seul un concerné, autrement dit, seule une personne qui a la peau noire peut venir parler de Fanon parce que c'est un autre concerné. Premièrement, le risque, c'est celui que je viens d'évoquer, à savoir de considérer que le racisme, c'est d'abord un problème de noir, je cite Fanon, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre risque, c'est finalement de nier l'individualité des personnes noires. Ça, c'est un problème qu'on a vu récemment avec la polémique autour de l'animatrice Pépita, à savoir qu'à partir du moment où une personne noire refuse une certaine expérience qu'on veut lui imposer. Alors, rappelons quand même cette polémique autour de Pépita. C'est une polémique autour de séquences de l'émission Pyramide qui ont été diffusées et regroupées, où on voit Pépita qui tient une carte postale. C'est donc une animatrice de l'émission Pyramide. Pyramide. Enfin, pas vraiment animatrice, justement, elle participe à l'émission, voilà. Et elle tient une carte postale dans ses mains qui représente une guenon et quelqu'un dit « Oh Pépita, regardez, c'est vous !» Et le présentateur enchérit en disant « C'est parce qu'elle a mangé beaucoup de bananes. » Évidemment, cette séquence prise comme ça, c'est une séquence qui renvoie un cliché raciste éculé. Le noir comme singe, banane, ya bon banania, dirait Fanon. Oui, c'est ce qu'il dit, ouais. Mais en même temps, si vous voulez, il y a deux réalités, il y a deux choses distinctes. Mais surtout, elle a dit « je n'étais pas une victime, j'étais d'accord, etc. » Mais c'est deux réalités, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut à la fois considérer que oui, il y a un cliché raciste sur lequel on joue quand on dit ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une mauvaise intention, si vous voulez, mais il y a une réalité objective. Si moi, je m'amuse à appeler un copain que je sais juif cafard, ça peut être une blague entre nous, sans mauvaise intention, il n'empêche que ça reste un cliché antisémite. Mmh. Et on le sait tous les deux. Donc, il y a une réalité objective du racisme qui ne dépend pas du ressenti des gens. C'est pour ça qu'il y a des historiens, si vous voulez, des clichés, des iconographies racistes, et qui ne sont pas forcément eux-mêmes de telle race ou de telle communauté. Et à côté de ça, il y a le vécu individuel, à savoir le fait qu'on puisse se sentir blessé et donc victime de quelque chose ou pas. Et c'est ça qui a été nié à Pépita. D'une part, on l'a pas interrogé avant de faire la séquence, comme si son avis ne comptait pas. Et d'autre part, à la minute, et c'est là-dessus que je voulais insister, à la minute où elle a dit « moi, je refuse qu'on m'impose une expérience qui n'était pas la mienne, je ne me suis pas sentie victime, on se sentait très bien sur cette émission, j'ai jamais subi de racisme dans cette émission », elle a été couverte dans la minute de messages du type « négresse de maison », tu es une vendue, tu serais prête à rétablir l'esclavage pour avoir un poste, ce genre d'horreur, mais de la part de personnes qui viennent de la mouvance antiraciste. Oui, mais est-ce qu'on peut pas concevoir que la situation dans laquelle était Pépita, si elle-même dit que ça ne l'a pas blessée, a blessé les personnes qui ont vu que certaines personnes elles-mêmes se sont senties blessées parce qu'ils ont vécu comme une situation objective de racisme. Totalement, et c'est pour ça que je dis que c'est très important, contrairement à ce qui a été fait de manière assez régulière, de ne pas choisir un aspect plutôt que l'autre. Les deux ont raison, c'est ça que vous dites. Il y a un aspect objectif du racisme, qui est l'iconographie, comparer un noir à un chimpanzé, ouais. C'est un cliché raciste assez éculé. Et d'autre part, l'expérience d'un individu qui n'est pas simplement un noir, comme dirait Fanon, mais qui est aussi Pépita, qui a une histoire, qui a un vécu, et la moindre des choses serait de l'interroger. Donc j'ai envie de dire aux personnes qui se sentent blessées par cette séquence, qu'ils ont parfaitement le droit et même raison, à mon sens, de l'être, mais que ça n'autorise personne à nier la possibilité qu'un autre individu puisse avoir vécu la séquence différemment. Pourquoi ? Parce que sinon, ça reproduit exactement le cercle vicieux que Fanon décrit dans Peau noire, masque blanc. À savoir que le noir ne peut être qu'un homme, ou en l'occurrence une femme noire. Pas simplement une personne qui a une expérience. Regarde le nègre. Maman, un nègre. Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé. Tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Le nègre est une bête, le nègre est mauvais, le nègre est méchant, le nègre est laid. Tiens, un nègre, il fait froid, le nègre tremble parce qu'il a froid, le petit garçon tremble parce qu'il a peur du nègre, le nègre tremble de froid, ce froid qui vous tord les os, le beau petit garçon tremble parce qu'il croit que le nègre tremble de rage. Le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère. « Maman, le nègre va me manger. » Alentour, le blanc. En haut, le ciel s'arrache le nombril. La terre crisse sous mes pieds et un champ blanc. Blanc. Toute cette blancheur qui me calcine. Comment, alors que j'oubliais, pardonnait et ne désirait qu'aimer, on me renvoyait comme une gifle en plein visage mon message. Le monde blanc, seul honnête, me refusait toute participation. D'un homme, on exigeait une conduite d'homme, de moi, une conduite d'homme noir, ou du moins une conduite de nègre. Je hélais le monde et le monde m'amputait de mon enthousiasme. On me demandait de me confiner, de me rétrécir. J'arrive lentement dans le monde, habitué à ne plus prétendre au surgissement. Déjà les regards blancs, les seuls vrais, me dissèquent. Je suis fixé. Ayant accommodé leur microtome, ils réalisent objectivement des coupes de ma réalité. Je suis trahi. Je sens, je vois dans ces regards blancs que ce n'est pas un nouvel homme qui entre, mais un nouveau type d'homme. Un nouveau genre. Un nègre, quoi. France Culture. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et nous parlons de Frantz Fanon cette semaine, aujourd'hui, de son livre « Peau noire, masque blanc » en compagnie de la philosophe Marilyn Maezo. Vous venez d'entendre un extrait du chapitre 5 qui s'appelle « L'expérience vécue du noir », un texte glaçant, hein, Marilyn Maezo, dans lequel il raconte comment un enfant dit « Regarde le nègre en le pointant du doigt » et tout d'un coup il se découvre noir dans le regard du blanc. Hein, c'est ce qu'il dit, noir. Et même nègre, on va revenir sur ce terme-là qui peut être choquant et qui est utilisé à dessein par Frantz Fanon, et c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à commenter dans ce texte. Il y a l'importance de l'amour, dont parlait Achille Mbembe hier. Finalement, Frantz Fanon revient souvent sur le fait que lui, il voulait aimer, et cet amour-là ne prend pas, ne marche pas, ce n'est pas ce qu'il reçoit en retour. On notera l'utilisation du mot de confiné qui aujourd'hui ne peut que prêter à sourire. Et moi, je voudrais qu'on commence par ça. Il dit « Je suis fixé par le regard de l'enfant sur lui qui le considère comme un nègre ».« Fixé » est écrit en italique. Est-ce que dans « fixé », il faut entendre ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, on dirait genre « assigné ».« Fixé », oui. « Assigné », c'est-à-dire « je deviens quelque chose ». Exactement, c'est Fanon joue avec cette formule sur la polysémie du mot, qu'on dit bien sûr d'un regard qu'il fixe, ça veut dire qu'il est focalisé sur vous, mais c'est aussi quelque chose qui fige, comme on fixe en l'occurrence un post-it au mur, il ne peut plus se déplacer à partir de là. L'expérience que Fanon décrit dans ce chapitre, et notamment dans l'extrait qui a été lu, c'est une expérience de ce que j'ai envie d'appeler une assignation à résidence épidermique. À savoir que, et d'ailleurs Fanon explique cela en pensant en fait à un autre texte qui est un livre de Sartre, qui est Réflexion sur la question juive, sur la manière dont le juif en fait devient juif à l'instant où l'antisémite le désigne et le discrimine en tant que juif. La nuance, explique Fanon, c'est que là où finalement le juif peut a la possibilité, parce que sa peau est blanche, d'essayer de dissimuler qui il est, le noir, c'est quelqu'un qui n'a nulle part où aller, qui ne peut pas se cacher, parce que la première chose qu'on voit de lui, et du coup la seule, c'est la couleur de sa peau. Donc ce qui distingue en fait de ce point de vue-là, ce qui fait la spécificité de l'expérience que Fanon décrit, c'est que il y a une sorte d'abîme entre l'image qu'il se fait de lui-même et l'image qu'on lui renvoie. Il y a un écart insoluble entre le désir qu'il a de faire coïncider ce qu'il sent être avec l'image qu'ont les autres et la réaction que les autres ont vis-à-vis de ces tentatives justement de communiquer. Et ça me rappelle en fait la formule de Lacan qui est très juste de ce point de vue-là, qui dit que le réel c'est quand on se cogne. Et de ce point de vue-là, l'expérience qui est décrite dans ce texte est une expérience du réel dans toute sa brutalité. C'est le moment où on a un homme qui se voit comme un homme qui, comme vous l'avez rappelé, est plein d'amour pour son prochain et a envie d'échanger et d'aller au-delà justement de l'épiderme, et qui d'un seul coup bute sur un double écueil qui renvoie exactement au même racisme, l'écueil qu'il appelle l'écueil de la négrophobie, évidemment, le petit garçon qui a intériorisé ça, parce qu'on lui a appris dans les histoires que le noir c'était le méchant, que le noir c'était la bête, c'est la personne qui va lui faire du mal, donc il a peur, c'est normal. Et l'autre pan de l'écueil, c'est la négrophilie, autre terme qu'emploie Fanon, à savoir ses camarades de classe ou ses camarades de Sorbonne, en l'occurrence bien intentionnés, qui justement veulent à tout prix faire la démonstration qu'ils ne sont pas racistes et qui pour cela lui font la liste des intellectuels noirs qu'ils connaissent pour dire « moi je connais plein de gens noirs et ce sont des gens très bien ». Autrement dit, dans les deux cas, on ne peut pas aller au-delà de l'épiderme. Ouais. On ne voit pas autre chose en Fanon qu'un homme noir. Et c'est cette expérience en fait qu'il décrit dans ce texte. Et l'image qui en ressort, c'est l'image d'un enfermement. L'idée que le colonialisme, en faisant du blanc l'incarnation suprême de l'humanité, a contraint le noir à vouloir, faute d'une autre voie pour accéder à l'humanité, imiter le blanc. Ce que décrit Fanon en fait dans l'extrait qui a été lu, et donc ce qui suivra, c'est le moment où, en prenant conscience du fait que être soi en tant qu'homme noir, c'était pas possible en fait en étant soi-même d'être reconnu comme être humain, qu'il va choisir, il va tenter, si vous voulez, de trouver une autre voie pour cela. Alors lui, il choisit une voie qui est non névrotique, on dira, qui est la voie de la négritude. Mais ce qu'il décrit dans le livre, c'est toutes les voies névrotiques, tous les masques que des hommes noirs et des femmes noires peuvent choisir pour essayer justement de se raccrocher à l'humanité qui a été niée. D'ailleurs, je pense que c'est un point intéressant de relever l'opposition dans le titre entre le singulier et le pluriel. Exactement, peau noire est au singulier, masque blanc au pluriel. Voilà, peau noire pourquoi ? Parce qu'il y a une singularité de la condition noire, disons, au sens où, quelle que soit votre origine, il y aura toujours cette absolue étrangéité qu'on vous impose. Le noir, en fait, c'est d'abord un homme noir ou une femme noire, ça ne peut pas être juste un homme ou une femme. Donc ça, c'est ce qui justifie le singulier de peau noire, c'est tout ce qu'on voit, la peau noire. Et en même temps, masque blanc, parce que il y a mille attitudes, Sartre dirait peut-être mille attitudes de mauvaise foi, qui sont autant de tentatives justement pour se retrouver une pour se recréer une humanité, pour se raccrocher à une humanité. D'ailleurs, ce qui permet peut-être de bien comprendre ça, puisque Sartre est très présent dans ce livre, il le cite régulièrement, y compris pour s'y opposer, mais sur ce point, ils sont en accord. Sartre explique, notamment dans L'être et le néant et dans L'existentialisme est un humanisme, que ce qui fait le propre de l'être humain, ce qu'il appelle le pour-soi, c'est le fait que chez lui, contrairement à tous les autres êtres vivants et à tous les objets, l'existence précède l'essence. Ça veut dire que l'être humain, ce qui caractérise son humanité, c'est justement qu'il n'a pas une essence, une identité, une nature préexistante qui s'imposera à lui de toute éternité, et que c'est à lui, en fait, de se créer tel qu'il veut être. C'est de là que vient sa dignité. Or, justement, la raison pour laquelle le noir ne peut pas être un homme, et doit toujours être un homme noir, dit Fanon, c'est parce que dans le cas du noir, il y a une essence qui précède son existence. Ce que Fanon décrit, c'est littéralement ça, en fait, dans le texte qu'on a entendu. Il sort dans la rue, il se croit homme, il croit que chez lui, comme chez tout le monde, l'existence précède l'essence, donc il sort, c'est-à-dire qu'il existe. Et d'un seul coup, on lui fait comprendre qu'il est exactement comme le marteau dont parle Sartre, à savoir que non, il y a une idée, un préjugé, une vision préétablie du noir, et qu'on lui colle dessus, et qu'en fait, il n'a pas d'autre choix que de se rapporter à elle, parce que s'il essaye de s'en détacher, il va toujours exister par rapport à elle, et s'il essaye de s'y coller, bah, du coup, il va devenir, si vous voulez, le cliché du noir, comme il dit, à bon banania. Et ça, c'est ce qui m'amène justement à la fameuse voie que Fanon, lui, a choisi d'emprunter, qui est la voie de la négritude. La voie de la négritude, c'est-à-dire que Fanon est parti du principe que... Il est parti d'un constat. Il a dit « J'ai réalisé qu'on ne pouvait pas raisonner avec un raciste. Je peux lui donner toutes les raisons objectives qui démontrent que le racisme est un non-sens. Je peux m'appuyer sur le fait que les scientifiques ont démontré l'inexistence des races et donc, de facto, de l'infériorité de la race, entre guillemets, noire. » Mais malgré ça, si vous voulez, le racisme étant avant tout une passion, et de ce point de vue-là, Sartre rejoint Fanon, ça n'a aucun sens de vouloir raisonner avec lui. Donc, je vais quitter le terrain de la raison et je vais, comme il le dit, me jeter ou m'abandonner vers l'irrationalité. Ça, c'est très important, cette revendication de l'universalité. Il le dit, hein, on pourrait tout à fait me dire que finalement, je n'utilise pas assez ma raison, pas assez de théorie, mais finalement, c'est souvent au nom de la raison et de l'intelligence qu'on commet aussi les pires crimes de l'humanité. Donc, n'essayons pas de faire à tout prix l'éloge de cette raison. Tout à fait. En fait, ce qu'il essaye de dire dans ce passage, c'est à la fois que la raison peut engendrer les pires monstres. Hein. On dit avec Goya que le sommeil de la raison engendre des monstres, mais quand elle y est éveillée, elle fait pire. Mais en même temps, ce qu'il montre, c'est son insuffisance, parce que l'homme n'est pas seulement un être de raison. Autrement dit, si vous voulez vous attaquer à quelque chose qui relève avant tout du domaine de la passion ou de la maladie psychique, hein, puisque Fanon parle en tant que psychiatre. Psychiatre, tout à fait, il faut le rappeler. Ça ne sert à rien de raisonner parce que la force du déni, la force de ce qu'on appelle justement la rationalisation, c'est-à-dire rendre rationnel quelque chose qui ne l'est pas, le fait de se trouver des raisons, des justifications, aura toujours le dernier mot. Vous pourrez démontrer par A plus B que ce soit un raciste ou aujourd'hui un complotiste qu'il a tort. Ça ne fera que renforcer son point de vue parce qu'il partira du principe que si vous donnez du mal pour le contredire, c'est qu'il doit avoir raison. Mais ça, c'est aussi très effrayant et désespérant, Marilyn Maizeau. Autant quand Franz Fanon dit dans le livre, et il le dira à son éditeur, Francis Janson, qui va lui demander de clarifier certains passages. Il dit « Oui, c'est vrai, cette phrase est inexplicable, mais je cherche, quand j'écris de telles choses, à toucher affectivement mon lecteur, c'est-à-dire irrationnellement, presque sensuellement. » Et en tant que lecteur, on est ravi de lire ça, parce qu'effectivement, on lit un livre pas simplement pour sa théorie, mais aussi pour ce que l'auteur dit de lui sans le vouloir, etc. Mais d'un autre côté, quand on parle d'un problème tel que le racisme, on se dit « Mais si la raison est impuissante, quelles armes avons-nous à notre disposition ? Si on doit reconnaître des limites à la raison pour expliquer l'absurdité du racisme, alors dans ce cas, est-ce que c'est la violence qui doit prendre le pas, qui doit prendre le dessus ? On ne sait pas. » Pour Fanon, et c'est vrai que vous le verrez plus tard, mais la préface de Sartre aux données de la Terre a donné une fausse image de ce que Fanon pense de la violence, il a une position qui, au moins sur certains aspects, est assez proche de celle de Camus de ce côté-là. C'est quelqu'un qui a horreur de la violence confortable et qui part du principe que la violence est un dernier recours. La violence confortable, c'est la violence de celui qui, comme Sartre écrit la préface aux années de la Terre, en disant « tue un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprime un oppresseur, un opprimé, reste un homme mort et un homme libre ». Littéralement, écoutez cette phrase, c'est une équation reste un homme mort un homme libre, en fait, vous faites la soustraction. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, dans l'abstrait, justifie le meurtre, sans lui-même, comme dirait Camus, tenir le fusil de l'exécution. Autrement dit, avoir à regarder dans les yeux la personne à qui vous apprêtez d'ôter la vie. Donc Fanon, c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, considère la violence comme un dernier recours. La violence, c'est l'échec, en fait, de toutes les autres mesures qui pouvaient être prises avant elle. Donc c'est pas une panacée. Mais il dit aussi qu'il faut détruire ce qui détruit. Totalement. Après, la violence n'est pas la seule manière de détruire. On peut détruire en déconstruisant, pour prendre un terme qui est plutôt déridien, mais qui s'applique bien ici. Ce que Fanon essaye de dire, en fait, hein, la raison pour laquelle il parle de quelque chose qui est quasiment incommunicable parce qu'il n'arrive pas à l'expliquer de manière rationnelle, c'est ce qui explique que la négritude s'est d'abord exprimée par la poésie. Celui qui cite en priorité, alors que ce n'était pas forcément celui dont il était le plus proche intellectuellement, c'est Saint-Gore. Parce que justement, il trouve dans la poésie de la négritude une sorte de manière de se rattacher à quelque chose, à une forme d'être au monde qui n'est pas la forme, disons, occidentale de la rationalité, de la maîtrise du monde, de l'homme qui se place comme maître et possesseur de la nature. Ce qu'il explique, c'est que ce qu'il a cru trouver dans la négritude, dans l'expérience justement de cette littérature, de cette poésie, c'est un autre monde auquel le blanc n'a pas accès parce qu'il ne le comprend pas, parce que justement c'est un monde qui est né dans l'expérience du rejet du noir hors de l'humanité. Mais bien sûr, ça a un avantage, c'est que en partant sur cette pente-là, il a découvert effectivement une littérature très riche, et aussi il s'est intéressé à l'histoire de l'antiquité noire, qui lui a permis de définitivement supprimer de sa tête l'idée que le noir serait le primitif du blanc, c'est-à-dire le peuple qui vient en premier, l'enfance de notre humanité, comme dans une vision, disons, hegelienne de l'histoire, où il y aurait des degrés de rationalité d'humanité. Mais en même temps, il en a vu les limites parce que à partir du moment où l'objectif final qu'il énonce dès le début du livre, c'est de rejoindre l'universalisme, c'est de défendre un véritable universalisme et donc de réunifier une humanité qui a été déchirée par des systèmes racistes, on ne peut pas se contenter effectivement d'une subjectivité qui soit incommunicable. Vous, les stars noires, vous allez être une locomotive pour ce mouvement. Attends, excuse-moi, c'est-à-dire les stars noires. Exactement. Oui. Bah oui, les mecs connus mais noirs, t'as compris. Bah, les stars noires de France. Oui, non, j'ai compris ça, mais il y a un tout petit problème là. C'est que moi, je suis pas black. Mais donc si. ça arrête le tout. Non. Mais t'es antillais. Non, je suis autrichien. Ma mère est autrichienne. On parle allemand chez moi. Meine Mutter ist Österreicherin. Non, mais je suis blanc. Donc, on est blanc. Écoute-moi. Mon oncle s'appelle Wolfram. Ma tante s'appelle Waltraud. Eric, je sais que certainement tu viens d'une époque où c'était un peu compliqué, où t'as dû raser les murs. Et c'est fini tout ça. Depuis les années 80 que t'as traversé, on a fait du chemin. Il y a eu les deux buts de Thuram en 98. Les Noirs aujourd'hui, c'est Barack Obama dans le monde. Bah, c'est super, tant mieux pour l'Amérique, ouais. Et en plus, arrête de dire black. Et dire quoi, ça? C'est noir, le mot. C'est pas un gros mot. Tu peux le dire, t'as le droit de le dire. Je ne peux pas le dire. Tu vas dire, je suis noir. Parce que c'est ce que t'es. Noir, un nègre. Tu sais, un nègre, carrément. Nègre. Oh, nègre. On monte carrément dans les tours, quoi, nègre. T'es un noir, et tu peux le dire. Je suis noir. Plus fort, vas-y, dis-le. Je suis noir. Fier. Je suis noir. C'est ça que c'est. Je serai là pour ta marche. Tu sais pourquoi tu veux être là? Parce que t'es noir. Mais bien sûr, avec mes frères nègres. Avec mes frères nègres. Mes putains de négros. Voilà. Mes sales nègres. Mes bamboulas. Mes macaques, mec. Wow. Pardon, je suis désolé, c'est parce que c'est nouveau pour moi, là. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière, avec ses déportations de populations, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ses débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine ? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes m'importent peu. Mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples, et même dans l'inconscient collectif. La négritude au premier degré peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire, refus de l'oppression. Et elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Marlene Maezo, il nous faut définir cette épineuse et problématique notion d'universalisme dans le texte de Fanon, donc Peau noire, masque blanc, qui nous accompagne ce matin. Vous avez d'abord entendu un extrait de film, un film de Jean-Pascal Zadi qui s'appelle Tout simplement noir. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non. Excellent film, justement. Vous entendez ici donc Jean-Pascal Zadi qui joue lui-même, accompagné de Farid qui se joue lui-même, qui tente de faire accepter à Éric Judor qui se joue lui-même qu'il est noir. Celui-ci dit bah non, en fait, je suis autrichien, etc. Puis finalement, il dit bah oui, je suis noir, je suis même un nègre, un bougnoule. Et tout, on dit waouh, calme-toi. Il dit bah oui, mais bon, finalement, je suis pas habitué. Ce qui pose beaucoup de questions quant à la reprise de certaines expressions justement et l'enthousiasme de la revendication de sa propre couleur. Et j'ai lu ensuite un extrait du discours sur la négritude d'Aimé Césaire en 1987, prononcé à l'Université internationale de Floride, dans lequel celui-ci fait le point sur ce mot qui semble encore problématique et à dessein justement. Dans négritude, on reprend ce mot nègre qui est vécu comme une insulte par Fanon, il le dit bien. Et en même temps, le mot même de négritude investit sémantiquement d'une forme de noblesse, le terme lui-même, on va revendiquer ce qui avant était une insulte. La question qui se pose dans les deux cas, et dans le texte de Fanon, c'est de savoir comment faire en sorte à la fois de prôner une sorte d'universalisme, c'est-à-dire de dire mais finalement les couleurs importent peu ou elles doivent être secondaires, et de l'autre, investir sa particularité, en l'occurrence la couleur noire, pour en faire une source de fierté qui peut-être peut nous conduire à l'égalité. Est-ce que c'est un problème qui paraît insoluble ? C'est très compliqué, effectivement, il y a énormément de thématiques qui se chevauchent. Peut-être pour commencer, il faudrait expliquer, même si ça paraît évident, mais il faut quand même le dire, en quoi le terme « nègre » est insultant. C'est pas simplement le terme « nègre », il y a un chapitre entier consacré à la manière dont la névrose du colonisé est nourrie par le langage. Il y a une expression qui s'appelle le petit nègre, c'est la manière dont on pouvait s'adresser à l'époque aux Noirs, parce qu'on considérait justement que c'était des enfants, donc ils n'étaient pas vraiment civilisés, donc c'était quelque chose du type, toi, y en a à comprendre, voilà, on devait leur parler comme à des personnes qui maîtrisent pas le français, parce que les pauvres, faut se mettre à leur niveau, faut être gentil. C'était une démarche extrêmement paternaliste que Fanon critique dans le texte, mais il fait pas que le critiquer. Ce qu'il explique, je trouve qu'il a une formule extrêmement forte pour expliquer ce qui pose problème avec ça. Il dit parler petit nègre, c'est exprimer cette idée, toi reste où tu es. C'est-à-dire on ne veut même pas envisager la possibilité que un homme noir qui a fait ses études en l'occurrence en France puisse parler français aussi bien que nous. Non, on part du principe que parce qu'il est noir, il est d'un degré de civilisation ou d'un degré même de maturité inférieur et que donc il faut lui parler comme à son inférieur ou comme à un enfant. Et cette dimension exclusive ou excluante plutôt du terme nègre peut effectivement surprendre, enfin peut faire qu'on est surpris de voir ce terme repris, voire revendiqué, à travers le concept de négritude. En réalité, ce geste n'a rien de singulier au sens où il n'est pas isolé. C'est un geste parfaitement classique qu'on caractérise généralement à travers l'expression « retournement du stigmate ». Par exemple, quand vous avez des féministes qui récupèrent un terme comme « salope » ou comme « pute » pour le revendiquer, c'est pas parce qu'elles considèrent qu'elles sont objectivement des salopes ou des putes, c'est parce que c'est une manière de dire ce mot-là est utilisé comme une arme que vous voulez tourner contre nous. Si on le récupère et qu'on le revendique, en fait, on le désamorce comme une bombe. C'est un geste, mutatis mutandis, qu'on trouve par exemple en peinture. Quand vous avez les fauvistes qui revendiquent justement le terme fauvisme parce que un critique était entré dans la galerie où ils étaient exposés en disant « Mon Dieu, mais c'est la cage aux fauves là-dedans » pour dire que c'était pas de la vraie peinture. C'est une manière de dire « Vous avez voulu nous insulter ». On va en faire une gloire, entre guillemets. C'est quelque chose que Sartre résume bien. Alors, il le dit au sujet d'un autre livre de Fanon, mais ça s'applique exactement aussi, ici. Dans sa préface aux Données de la Terre, il dit « Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. » Cette négation ne passe pas forcément par la suppression des mots utilisés pour dominer. Ça peut passer aussi par leur réappropriation. Je dis une chose au passage que j'ai apprise en étudiant auprès de Salim Abdelmadjid, qui a soutenu une thèse intitulée « Un concept d'Afrique ». L'Afrique, en soi, le mot même d'Afrique, c'est un héritage de la colonisation. Donc, quand on a un peuple qui se revendique justement africain pour élaborer des luttes de décolonisation, c'est exactement la même mécanique qui se met en place. On a un mot qui est hérité, si vous voulez, de la colonisation. La seule différence, c'est que c'est pas un mot infamant en lui-même, mais on le récupère et on lui donne un autre sens et donc une autre force. C'est une façon de dire, si même ça, on vous l'enlève, qu'est-ce qui vous reste, en fait? Si vous pouvez plus nous traiter de nègres parce que de toute façon on le fait à votre place, qu'est-ce qui vous reste pour nous insulter? Mais pourtant, Fanon ne semble pas reprendre ce terme-là à son compte, comme le fait Césaire, justement, comme le feront d'autres. Il est plus ambivalent. Non, là, je parlais vraiment du concept de négritude. C'est ça. Qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi parler de négritude? Pour quand même forger un concept à partir d'une insulte. Fanon, il l'utilise plus parce qu'il est dans une démarche de récit d'expérience. Il dit nègre parce que c'est un mot qu'il entend en permanence. Je vous renvoie au texte qui a été lu tout à l'heure. Il est tranquillement dans la rue, il ne demande rien à personne. D'un seul coup, il entend ce mot qu'on lui balance à la figure. Et c'est ça en permanence, si vous voulez. Donc, le mot fait partie de son langage courant parce qu'il fait partie de son univers. Et c'est important, effectivement, de pas avoir peur des mots de ce point de vue-là. Parce qu'à partir du moment où on a peur des mots et où on veut essayer de trouver des périphrases pour pas avoir à prononcer le mot qui fait peur, le N-word, comme on dit en anglais, mais l'histoire américaine de ce point de vue-là est différente. Oui, on le dit, et ça, il le dit aussi, bien. Fanon, ouais. Le problème, c'est que on n'ose plus nommer les choses telles qu'elles sont, en fait. Par exemple, ce qu'il décrit dans le texte qui a été lu, je ne pense pas qu'on l'aurait senti, on l'aurait reçu avec autant de réalisme et de violence si ce mot n'était pas présent dedans. Parce qu'il fait partie de l'expérience brutale du racisme. Alors, pour répondre à votre question en ce qui concerne l'universalisme, ce que décrit Fanon dans Ponant Masque Blanc, c'est justement une impossibilité qui a été imposée au peuple noir, au noir en général. Il s'appuie sur la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Comment on fait pour accéder à l'humanité? Donc comment un humanisme et un universalisme sont possibles? Et explique Fanon, dans la dialectique du maître et de l'esclave, on a deux figures, le maître et l'esclave, et en fait, tous les deux accèdent d'une certaine manière à l'humanité, mais par deux voies différentes. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une lutte entre les deux. Et ce qu'il explique, typiquement, ce qui distingue du coup les noirs antillais des noirs africains, c'est que les premiers n'ont pas eu cette lutte. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir des batailles, si vous voulez, mais il n'y a pas eu cette lutte fondamentale parce que l'indépendance, si vous voulez, on leur a donné, en fait. C'était un don, c'était pas quelque chose qui a été arraché. Or, il explique aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. On est en 52, au moment de la publication de Ponant Masque Blanc. Donc, l'histoire de la ségrégation aux États-Unis, elle bat son plein. Et donc, les lois qui petit à petit sont votées pour mettre un terme à un système raciste sont justement des acquis d'une lutte qui est extrêmement violente avec ses morts, avec ses personnes lynchées, etc. Donc ça, c'est ce qui fait finalement c'est en passant par Hegel que Fanon décide de pointer ce problème. On n'a pas cette possibilité-là. On nous a enlevé jusqu'à la possibilité de nous battre pour obtenir l'humanité qu'on nous avait niée. Donc, comment on fait? Fanon ne choisit pas la voie facile qui serait justement de décréter un universalisme abstrait en disant « Mais de toute façon, nous sommes tous une même humanité. Le racisme est un crime. Aimons-nous les uns les autres, etc. » Parce que si vous voulez, à partir du moment où la raison elle-même n'arrive pas à convaincre un raciste, c'est pas en décrétant l'universalisme qu'on va le faire être. Ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que il y a un cheminement double qui se fait en lui entre d'un côté la revendication d'une identité noire via la négritude qui est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Il y a souvent des gens qui disent mais je comprends rien à cette histoire de dire je suis fier d'être noir, moi je suis pas fier d'être blanc. Ça n'est absolument pas comparable. Si vous vous dites fier d'être noir, c'est parce qu'on vous a appris à avoir honte de l'être. Et ça, Fanon insiste dessus, l'expérience du petit garçon dont on a parlé, il dit le sentiment qui a surgi, c'est la honte. La honte, le dégoût de moi, la nausée, il reprend un terme sartrien. À partir du moment où on vous a appris que votre couleur de peau devait provoquer chez vous de la honte, un passage obligé pour pouvoir vous reconstruire et accéder à une estime de vous-même, à une dignité, c'est de retourner la honte en, si vous voulez, en fierté. Pas au sens où, si vous voulez, vous allez afficher votre couleur partout de manière ostentatoire, mais au sens où vous allez supprimer la honte par la fierté. Donc ça, c'est un aspect nécessaire et c'est ce que la négritude apporte, en fait. C'est renouer avec entre guillemets, ses racines, c'est renouer avec l'histoire du peuple noir, c'est renouer aussi avec un rythme, avec une poésie, avec un langage qui s'oppose au langage imposé aux colonisés. Mais c'est pas suffisant, si vous voulez. C'est pas suffisant parce que à côté de ça, pour pouvoir retrouver l'humanité, pour pouvoir renouer avec l'humanité en tant que telle et pas simplement l'humanité qu'on a nié à l'homme noir, il faut parier, j'ai envie de dire, sur l'universalisme. Et on l'a indiqué tout à l'heure, ce mot d'universalisme, il apparaît dès les premières pages du livre. Ouais. Donc c'est impossible de faire de Fanon, si vous voulez, quelqu'un qui considère que l'universalisme, c'est de toute façon une illusion. Non, mais il dit, alors justement, c'est retourné contre lui, je le cite, « Toujours en termes de conscience, la conscience noire est immanente à elle-même. Je ne suis pas une potentialité de quelque chose, je suis pleinement ce que je suis. Je n'ai pas à rechercher l'universel. » En mon sein, nulle probabilité ne prend place, ma conscience nègre ne se donne pas comme un manque, elle l'est, adhérente à elle-même. Comment comprenez-vous cette phrase, je n'ai pas à rechercher, c'est parce qu'il est déjà là? Ou parce que ça l'intéresse? Alors oui, mais pour la comprendre, on ne peut pas la comprendre hors contexte, il faut la comprendre comme ce qu'elle est, à savoir une réponse à un texte de Sartre. C'est une réponse directe à Orphée Noir, qui est un texte de Sartre, une préface à une anthologie de la poésie nègre et malgache. Et dans ce texte, Sartre essaye de comprendre la négritude, ce qu'elle dit et ce qu'elle représente, et ce qu'elle incarne dans l'histoire. Et il a une lecture, disons, hegélienne de la négritude, au sens où il la voit comme un moment hegélien, comme une étape. À être dépassée, donc. Voilà, un moment qui va être dépassée. Qui est dépassée, une étape dans le cheminement, qu'on pourrait appeler le cheminement de la raison, en fait, pour rester dans la logique hegélienne. Donc, ce sera un moment de la négation, si vous voulez. Moment de la négation qui l'amène à parler de racisme antiraciste, qui est un oxymore volontaire. Ça, c'est Sartre. Hein, C'est Sartre, je cite, hein, c'est dans Orphée Noir, racisme antiraciste. Ce qu'il entend par là, c'est le fait, justement, de s'enfermer dans une identité noire dont on exclut les autres, parce que soi-même, on a été exclu. Donc, c'est le moment de la négation, au sens hegélien du terme. On a besoin de ce moment, dit Sartre, d'enfermement sur une identité dont on a été privé et qu'on est allé chercher nous-mêmes. Mm-hmm. Mais c'est un moment qui aspire à être dépassé pour ensuite rejoindre l'universel, le moment, justement, de non plus de la négation, mais de l'affirmation. Voilà. Voilà. Et ça, en fait... Ça, Fanon n'est pas d'accord avec ça. Fanon n'est pas d'accord parce que d'un côté, on pourrait croire en apparence qu'il l'est, mais non. Fanon est d'accord avec l'idée que la négritude n'est pas une identité de substitution. C'est pas il est pas en train de dire on m'a nié mon identité d'être humain, je vais me contenter d'être un homme noir. Sinon, c'est contradiction totale avec ce qu'il essaie de démontrer. Oui. Non, ce qu'il reproche à ça dans cette formule, c'est de faire une fois de plus du noir, un maillon. C'est pas une personne, c'est pas les Noirs ne sont pas des personnes qui ont une expérience qui vaut par elle-même. Il n'y a pas une absoluité de la négritude, si vous voulez. La négritude, c'est un passage obligé, mais dont on voit déjà le dépassement. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est clair. Il y a quelque chose qui vient ensuite. Non, je veux dire, il part du principe que la négritude, ça pose des problèmes. Heureusement, il y a autre chose derrière. Ah oui, d'accord. Pour Sartre, et d'accord. Voilà. Et Fanon dit non, je refuse qu'une fois de plus, on me nie en tant que personne, on réduise mon expérience. L'expérience noire que j'essaye de décrire dans ce texte a simplement un passage obligé qui serait un peu douloureux et heureusement qui serait suivi par la libération que serait l'universel. Parce que ça en plus, et il a raison de le soupçonner, c'est ni plus ni moins qu'une manière de réintégrer les Noirs dans l'histoire, mais une fois de plus dans l'histoire blanche. Parce que Hegel, mine de rien, quand on sait la place qu'il laisse à l'Afrique dans sa philosophie de l'histoire, ça, si vous voulez, on comprend que Fanon soit méfiant. Mais oui, mais c'est tout le problème des discours sur l'universel, c'est qu'on et d'ailleurs Fanon le pointe bien, c'est que le problème c'est pas tellement l'universel lui-même, c'est que c'est souvent un universel au nom des hommes blancs au fond qui émettent leur idée de l'universel. Et toutes les critiques de l'universalisme qu'on connaît actuellement et qui ne sont pas nouvelles puisque elles ont été particulièrement marquées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, parce que forcément l'universalisme et l'humanisme ont pris du plomb dans l'aile avec ce qui s'est passé en termes de persécution, de génocide, de toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et il y en a eu d'autres ensuite, donc ouais. ça n'a, si vous voulez, ces critiques sont toujours d'actualité. Mais la question qui se pose à partir de là, elle est simple, c'est est-ce que c'est l'universalisme en lui-même qui est un mensonge ? Et ça, c'est ce qu'ont pu défendre, par exemple, des auteurs contre-révolutionnaires. C'était Demestre, il me semble, qui disait... Burke, je crois, qui disait je connais, enfin moi j'ai déjà rencontré un Russe, un Français, un Italien, mais alors l'homme je l'ai jamais rencontré. Ça c'est des critiques qui sont anciennes en fait et qu'on peut retrouver effectivement retourner contre l'universalisme dans ce cadre-là en disant, comme le dit Fanon dans un autre texte, quittons cette Europe qui ne cesse de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre. C'est ça. Donc oui, ces critiques, si vous voulez, elles sont Fanon les fait siennes et il a raison, mais en même temps, il ne renonce pas pour autant à l'universalisme en partant du principe que parce que l'universalisme s'est incarné de cette manière, ça veut dire qu'il est à jeter. Fanon refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain, de la même manière que Camus, par exemple, refusait de jeter la révolution avec, si vous voulez, l'eau de la révolution soviétique. Mm-hmm. Il explique que c'est pas parce que la révolution soviétique, qui est le modèle qu'on se donne, a été un carnage, que ça veut dire qu'en soi, la révolution est un mal absolu. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'universel pour Fanon, comme il le répond à Sartre, c'est pas quelque chose que je dois aller chercher dans la prochaine étape, si vous voulez, du cheminement de la raison. Donc, on va congédier Hegel. C'est quelque chose qui est déjà là. Le problème, le risque à faire de l'universalité un objectif, et Camus dit exactement la même chose dans L'homme révolté, c'est qu'on reporte ça au futur. Ouais. Or, et c'est un des points qui m'a le plus touché et le plus parlé dans le texte de Fanon, Fanon dit, je parle pour mes frères et sœurs d'aujourd'hui, je parle pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Je ne parle pas pour les gens du passé, je ne prétends pas faire revenir au goût du jour un passé. Je ne prétends pas non plus parler pour l'avenir ou construire le monde d'après. Je parle pour des gens qui aujourd'hui sont niés dans leur humanité, qui aujourd'hui meurent de faim et qui ont besoin de solutions maintenant. Et en fait, ce qu'il montre en disant justement... Ça, c'est que reporter l'universalisme dans le futur, partir du principe qu'aujourd'hui on est divisé, mais que l'universalisme on verra plus tard, bah c'est ni plus ni moins qu'une manière d'y renoncer définitivement. Or, cette renonciation à l'universel, c'est exactement ce qui mène concrètement au racisme. En fait, le racisme peut se dissimuler derrière l'universel, mais c'est en réalité par sa négation qu'il existe. Donc, ce que Fanon essaye d'avancer comme solution, entre guillemets, pour rejoindre l'universalisme, non pas pour l'atteindre, je dis bien le rejoindre au sens où il est déjà là, c'est ça. Mais il faut le retrouver en soi. C'est une sorte de parcours initiatique, en fait, qui est décrite. Ce qu'il explique, c'est que, je vais citer une phrase de lui, parce que, une fois de plus, c'est tellement difficile à décrire que je préfère citer ses mots. Il dit que... j'ai plus la phrase en tête. Il explique... Bon, j'ai passé le exact. Allez-y, racontez-le, on se terminera là-dessus. Voilà, il explique que... En fait, si il fait face à un raciste, la seule solution, c'est de s'imposer à lui de toute la force de son corps. Ouais. Et j'aime beaucoup cette phrase. Ça veut dire, c'est pas simplement en raisonnant avec lui, dans l'abstraction qu'on va y arriver. L'universalisme, on le trouve dans le corps, c'est-à-dire dans l'expérience, dans le regard, on pourrait dire, en prenant un terme lévinassien. Autrement dit, il croit en la fraternité des hommes, qui ne passe pas par des grandes théories abstraites qui, on l'a vu, peuvent être instrumentalisées pour couvrir un racisme. Il croit, dans le fait que, à travers l'expérience de la différence et la confrontation entre les préjugés et la réalité, il y a la possibilité, justement, de déconstruire ses préjugés et de reconstruire une humanité ensemble. Merci beaucoup Marlene Maezo d'être venue nous éclairer sur ce texte ce matin, Peau noire, masque blanc, de Frantz Fanon, à lire absolument cette semaine, j'allais dire avant demain, mais demain on parlera plutôt de la psychiatrie de Fanon, donc prenez le temps de le lire et de le déguster. On se quitte avec Sam Castandet et son orchestre créole, écoutez. Neg ni mo ve manje, neg ni mo ve manje, ta perite neg ni mo ve manje. Be cheka madame yo, ni la kaka vwese yo, neg la ka foute y baton, an verite neg ni mo ve manje. Oh, neg ni mo ve manje, neg ni mo ve manje, neg ni mo ve manje, an verite neg ni mo ve manje. Bitch ga manger en porcelain, il a qu'à manger en faillon, nèg la en tout qu'on a en verre, oui, t'es nèg ni mauvais manger. Oh, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni mauvais manger, nèg ni n'est ni mauvais manière. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante, est-ce qu'on peut tout peindre? Alors, je ne vais pas vous parler du sujet, parce que depuis le Christ au pied sale de Caravage, le bœuf éventré de Rembrandt et l'origine du monde de Courbet, on sait qu'il n'y a pas vraiment de sujet qui résiste. Je veux parler plus concrètement des endroits qu'on peut peindre. Il s'agit de réouvrir ce vieux débat entre la fresque et le tableau, l'histoire de l'art occidental ayant très largement tranché en faveur du second, en faveur des noces de Cana de Véronèse, plutôt qu'en faveur de la fresque communiste géante de l'Alexanderplatz de Berlin. Quand bien même on voit un peu trop les coutures sur la toile de Véronèse. Le triomphe contemporain du street art apparaît cependant comme une revanche de la fresque, ainsi que du démontage in extremis de celle que Picasso avait faite et qui ornait un bâtiment d'Oslo récemment démantelé. Mais en réalité, la fresque hante l'histoire de l'art occidental depuis que Michel-Ange a repeint la voûte de la chapelle Sixtine et qu'on l'y a fait revenir pour y représenter le jugement dernier sur le mur du fond. C'est désormais comme une boîte peinte à l'intérieur de laquelle on entre et dont on peut accessoirement ressortir pape. Oui, c'est un peu comme un rituel chamanique en fait, cette élection du pape. Elle se déroule à l'intérieur d'une grotte ornée. Oui, car mieux que la fresque, ce vers quoi tend la peinture a quelque chose de primitif. Son triomphe n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, dans le tableau qui vaut des millions et qu'on manipule en gants blancs, mais dans ces boîtes qu'ont laissées, sur le bord de la route, quelques fresquistes italiens, Giotto, Michel-Ange, ou peut-être le plus singulier de tous, Frangelico, qui a fait d'un monastère de Florence l'équivalent d'un casque de réalité virtuelle. La peinture, à travers ses œuvres totales, semble nous dire que sa place est partout. Et c'est ce que vous pensez? Bah, personnellement, je suis un Michel-Ange frustré. Alors, vous avez certainement déjà vu dans les villes ces sortes d'armoires téléphoniques qui ont d'ailleurs à peu près la même taille que des retables. Alors, il ne s'agissait pas pour les élèves que nous étions de rivaliser directement avec Grunewald, mais plus modestement de réaliser un trompe-l'œil. Le projet demeurait néanmoins ambitieux. À terme, toutes les armoires téléphoniques de notre petite ville devaient être repeintes par nous. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben, il n'y en a jamais eu qu'une seule de réalisée près du petit centre commercial. Les autres sont demeurées recouvertes d'un ignoble crépi destiné à les protéger des non moins ignobles affiches du Front National qu'on a collé quand même et peut-être d'ailleurs sur notre trompe-l'œil fleuri dont, lecteur assidu de Tistou les pouces verts, nous pensions qu'il aurait des vertus germinatives et qu'à terme le monde entier serait repeint par nous. J'ai ainsi toujours un peu confondu la peinture et la grâce. J'avais oublié Tistou les pouces verts, je vais m'y replonger. Donc en fait, vous dites que peindre le monde, ce serait une façon de le sauver. C'est ça, avec cette idée que le monde sera sauvé quand tout aura été peint. Sauf qu'il suffit de voir les avions dessiner leur grande déchirure à la Lucio Fontana dans le ciel pour se mettre soudain à en douter. Notre monde meurt d'être déjà beaucoup trop peint. Et la solution de climato-ingénierie qui consisterait à en blanchir les nuages avec du dioxyde de titane paraît affreusement périlleuse, sinon beaucoup trop kitsch. Ça veut dire que la seule chose qu'on n'aurait pas le droit de peindre, ce serait le ciel ? Oui, exactement, sauf qu'il est peut-être déjà trop tard. Les étoiles sont déjà partout invisibles et il a viré à l'orange au-dessus des villes. D'ailleurs, alors que je prends d'habitude quantité de photos du ciel, j'ai constaté, les quelques jours que j'avais passé dans une mégapole asiatique aux cieux acidifiés, que je n'avais pris presque aucune photo. Le ciel, là-bas, avait été rendu au peintre et ce n'était pas une bonne nouvelle. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions autour de Fanon. À la prise de son aujourd'hui, qui d'autre? C'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, le magnifique Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Fanon. Demain, on sera en compagnie de Claire Mestre et on parlera de psychiatrie. La psychiatrie contre la colonisation des cerveaux, vous verrez. Ce sont des textes assez incroyables de Franz Fanon que nous pourrons entendre et donc commenter. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez également écouter l'émission en téléchargement, en podcast, iTunes, Spotify, l'application Radio France également qui vous permet d'écouter l'émission en direct et donc en téléchargement où vous voulez, quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.